È impossibile. Ouais, de repère sur une mesure. Ah, d'accord. Et c'est... Putain, des fois ça marche bien, et puis aujourd'hui... Attends. Mais raté, je l'ai raté. Ouais, détail. Oui, attends. T'as vu sur Z-Drummer, il y a un truc pour faire un truc virtuel, c'est le mec qui tape plus fort. Ça va là, c'est calé ? c'est parti, on va casser les couilles. Top là. Oui, c'est comme un monde dans ma vie.